Message de vie, une émission produite par Richard Federman. On a oublié que nous sommes vivants. Moi, mon expression, c'est vivant parmi les vivants. Donc voilà, je pense que ça, c'est effectivement quelque chose que nous avons oublié. Et c'est, pour moi, c'est un des messages aussi très forts que j'ai réappris avec le biomimétisme, c'est cette interconnexion et cette interdépendance. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Message de vie, donner à comprendre, donner à comprendre. Cette vocation a débuté par une enfance passée dans la savane africaine pour l'emmener à devenir naturaliste, c'est-à-dire fan d'oiseaux, de scarabées, de grenouilles et de fleurs. Tout en poursuivant ses recherches, il a décidé d'y sensibiliser tous les secteurs d'activité en proposant des passerelles entre ceux qui construisent le monde et ceux qui étudient la nature. Gauthier Chapelle est devenu un ambassadeur du vivant pour expliquer que la nature est un gigantesque laboratoire, vieux de plusieurs milliards d'années, riche d'enseignements et de solutions. Il appelle cela le biomimétisme. N'avons-nous pas observé les oiseaux pendant des siècles avant de nous en inspirer pour voler à notre tour ? En prenant de la hauteur, n'avons-nous pas constaté que la Terre ressemblait à la structure de notre peau ? Nos panneaux solaires ne ont-ils pas été inspirés par la photosynthèse générée par les feuilles ? Le génie inventif des écosystèmes n'est pas séparé de nous-mêmes. Regarder le vivant sérieusement, c'est prendre en compte notre vraie nature pour élaborer des solutions à nos problèmes vitaux. Vous comprendrez que cette intelligence, qu'est le biomimétisme, est un immense jardin d'Éden où chacun pourra subvenir à ses besoins élémentaires d'eau, d'alimentation, qui ne viendront plus jamais peut-être à manquer. Qu'est-ce que le biomimétisme ? C'est peut-être aussi une manière d'approfondir cette relation entre la nature et nous-mêmes, en lui donnant peut-être un terme plus scientifique, c'est de valider notre observation sur cette nature. Je vais vraiment prendre les deux, parce que les deux sont importants. Donc commencer par effectivement expliquer ce que c'est le biomimétisme. Le biomimétisme au départ, c'est vraiment s'inspirer du vivant pour en tirer des applications humaines. Ça, c'est la définition large. Le biomimétisme qui m'intéresse, moi, c'est le biomimétisme qui se focalise sur comment nous aider en nous appuyant sur les connaissances développé par l'évolution des autres espèces pour nous-mêmes nous remettre en équilibre avec la Terre. Donc du coup, c'est encore une manière supplémentaire de faire la jonction avec les autres espèces pour vraiment s'adresser à elles comme à des anciens qui connaissent, qui ont mis au point des processus qui leur permettent d'être encore là. Par définition, les espèces qui sont encore là, c'est qu'elles maîtrisent au moins leur durabilité. Et donc, c'est leur demander de nous aider quand nous, on est confronté à un problème de durabilité, leur demander leur truc. Et je vais prendre juste deux petits exemples comme ça, au hasard, des innombrables exemples qu'il y a dans le biomimétisme. On peut par exemple s'inspirer de la forme des oiseaux plongeurs pour permettre aux trains de rentrer dans les tunnels de façon beaucoup plus souple et donc en consommant moins, dont moins d'électricité, donc aussi moins de centrales au charbon et donc moins de CO2. Donc mettre un bec de martin pêcheur devant un TGV, ça permet d'émettre moins de CO2. Dans un autre domaine, j'aime toujours énormément cet exemple, c'est que nos panneaux solaires photovoltaïques actuels sont très chers en énergie, sont chers en matériaux rares et sont difficiles à recycler, alors qu'on a un autre modèle sous le nez littéralement depuis des millions d'années, enfin depuis que nous on est là en tout cas, donc depuis des dizaines de milliers d'années pour les humains, qui sont les feuilles. Les feuilles, ce sont des panneaux solaires. La première étape de la photosynthèse, c'est bien transformer de la lumière en électricité. Ensuite, ces électrons vont servir à synthétiser de la matière. Ça, c'est l'étape suivante de la photosynthèse. Mais en tout cas, pour les panneaux photovoltaïques, on pourrait s'en inspirer et les faire de façon totalement organique. Et je dis on pourrait, je le mets au conditionnel, mais il y a déjà des labos et des équipes de recherche qui travaillent dans cette direction, même si avant que nos toits soient couverts de panneaux solaires de ce type-là, on en a encore pour un moment. Mais on met aussi des toits végétaux. Qui ont d'autres fonctions, bien sûr, mais qui sont tout aussi importants et qui font partie, effectivement, de notre réinsertion et de notre reconnexion avec le vivant. Effectivement, les toits végétaux permettent notamment d'amortir les pics de précipitation. Ça permet, quand on a des très grosses pluies, qu'au lieu qu'elles partent tout à l'égout directement, qu'elles aillent gonfler le sol et nourrir et abreuver les plantes. Ça permet aussi, les toits végétaux, de garder une biodiversité en ville ou de reprendre une biodiversité en ville, parce que c'est des habitats pour les insectes et tous les accompagnants. Ça permet de dépolluer aussi. Beaucoup des molécules, même que nous produisons, peuvent être défaites par l'association plantes-bactéries. En fait, une fois de plus, les bactéries sont importantes, mais les bactéries qui collaborent avec les plantes sont aussi souvent des très, très bonnes dépolluantes. Ça a aussi un rôle sur la température, ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Donc les excès de température en été sont tempérés par la présence du végétal. Donc voilà, une fois de plus, on se rend compte que quand on s'associe au végétal et qu'on travaille comme les forêts, ça c'est l'aspect recette, mais là, dans ce cas-ci, c'est avec le végétal, eh bien, on arrive à des résultats formidables. Comment on peut vivre dans un milieu urbain tout en comprenant notre écosystème ? Disons, déjà en milieu urbain, de nouveau, il y a deux types de réponses. D'abord, c'est que le vivant se cache partout, dans le moindre recoin. Une fois qu'on apprend à observer, et moi je suis parti de là, moi je suis naturaliste au départ, je suis tombé dans la soupe quand j'étais tout gamin, j'ai commencé à regarder les oiseaux, et puis les plantes, les insectes, les amphibiens, etc. Et une fois qu'on est dans ce plaisir, parce que c'est surtout un plaisir, c'est extrêmement nourrissant pour l'âme, j'ai envie de dire, et Jean-Marie Pelt a la même base, lui aussi, c'est aussi un naturaliste, eh bien le vivant, on le trouve littéralement entre les dalles du trottoir. C'est une expression qu'on emploie souvent, mais c'est vrai. Moi j'ai... L'année passée, quand j'écrivais mon bouquin, j'ai eu beaucoup de temps aussi pour être dehors et entre les coups, pour me ressourcer d'ailleurs avec ça, et pour m'inspirer aussi. Et j'ai plusieurs fois été époustouflé, voilà, je voyais telle plante qui poussait entre deux pavés, ça c'est déjà du plus classique. Et puis ensuite je me rendais compte que telle feuille de plante était elle-même déjà grignotée de l'intérieur par une larve de mouche spécifique à cette plante, et ensuite il y avait encore un parasite sur la larve de mouche. Et ça, pour moi, c'est la puissance du vivant qui est là tout le temps, qui, dès qu'il a un interstice, la graine va commencer à pousser, va commencer à former du sol entre les deux pavés. Ensuite, d'ailleurs, dans le même interstice de sol va pouvoir s'installer une abeille solitaire qui a besoin de sable mais qui a été en partie ameublie par le passage de la plante. Enfin, ça c'est la puissance du vivant, même sur un trottoir, quoi. Et puis ensuite, dans les villes, fort heureusement, et certainement en Europe, on a toujours ces poches de nature plus ou moins spontanée que sont les parcs, les friches, etc. Et là, on peut redécouvrir toute l'étendue du vivant. Et par exemple, effectivement, ce fameux humus, cette fameuse couche de sol vivant nourri en permanence par la chute des feuilles chaque année et qui permet cette circularité. Et là, on a des principes de base du vivant qui sont tellement importants de les réincorporer. C'est qu'effectivement, dans la nature, dès qu'un organisme se débarrasse de quelque chose comme déchet, il crée une opportunité pour une autre espèce qui va s'en nourrir. Et les feuilles mortes en sont un très bon exemple, comme le sont aussi les fruits. Un chêne produit des milliers de glands sur sa vie, un marronnier en ville ou un platane en ville va produire aussi des milliers de graines dont très peu finalement vont finir par donner un arbre. Et foncièrement, il n'en aura pas besoin beaucoup qui donne un arbre à la sortie, mais pour y arriver, en attendant, il a nourri tout un écosystème qui va, je reprends l'exemple des glands, bien connu, avec les écureuils qui vont embouloter, mais qui vont aussi en mettre de côté, et c'est parmi les graines qu'ils vont mettre de côté, dont certaines vont finir par pousser. Donc là, on a des tas de principes à aller voir. Je veux dire, la nature, une fois qu'on prend le temps, enfin, le vivant, j'aime pas trop dire la nature parce que ça nous resépare, comme si nous on était à l'extérieur, mais le vivant, donc y compris le vivant en nous, et c'est bon d'ailleurs de refaire tout le temps le parallèle entre les deux, quand on prend le temps de regarder le vivant, on réapprend les principes du vivant. Je dis d'ailleurs les principes, pas les lois. Les lois, c'est strict. Les principes, ce sont des grandes tendances avec des exceptions. Dans le vivant, il y a toujours des exceptions, donc je préfère dire les principes. Et les principes du vivant, il y en a plein, et ces principes du vivant nous permettent de revivre dans cet équilibre, et ce sont des principes du vivant qui nous gouvernent, nous, comme il gouverne toutes les espèces qui sont autour de nous et donc les relations que nous avons aussi nous avec les autres espèces. Et c'est voilà, j'ai parlé de la circularité, je vais continuer. Il y a aussi le principe de coopération. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Dans le vivant, on nous parle, enfin, dans notre société, on parle beaucoup de la compétition. Et quand on parle de la loi de la jungle, ce qui nous vient dans la tête, c'est la compétition et la prédation. Et certes, dans le vivant, il y a la compétition et la prédation. Mais c'est en fait, comme toujours, c'est une tension entre compétition-prédation d'un côté et la coopération de l'autre. Et en fait, le vivant est basé sur la coopération. Il n'y a pas une espèce qui n'ait pas de bactéries symbiotiques. Il n'y a pas une espèce animale stérile qui n'a pas de bactéries symbiotiques, qui non seulement vivent avec lui, mais lui permettent de prospérer. Il n'y a pratiquement pas de plantes qui vivent sans symbiose avec les champignons. Déjà, à l'intérieur de chacune de nos cellules, ce qui nous permet de respirer, ce qu'on appelle des mitochondries, qui sont des sous-cellules qui font la respiration, c'est une vieille symbiose bactérienne. À l'intérieur de nos intestins, on en parle de plus en plus, nous avons chacun 1 kg de bactéries qui nous sont indispensables et qui, au passage, augmentent notre diversité génétique de 80%. Quand on regarde un humain, 80% de sa diversité génétique, c'est les bactéries qui lui permettent de vivre. Donc, ces collaborations sont absolument partout et il est temps qu'on se réapproprie ça, qu'on sache que ce qui sauve le vivant, c'est la collaboration. Ça me permet d'ailleurs de venir à un autre lien qui est extrêmement important face à ce qui nous attend, parce qu'on est dans cette période de gabegie énergétique liée aux combustibles fossiles, qui tôt ou tard aura une fin. Est-ce que c'est notre génération, la suivante, je n'en sais rien, mais tôt ou tard on arrivera à une fin et on devra revenir au solaire, on devra revenir à ce que le vivant fait depuis 3 milliards d'années, qui est source d'énergie principale, c'est le flux solaire. Ça va nous amener dans un certain nombre, en tout cas en impression de pénurie, des choses qui étaient extrêmement abondantes dans nos vies, qui vont devenir plus rares, parce qu'on aura plus d'accès aux combustibles fossiles. Et bien justement, une des leçons fantastiques du vivant, c'est que quand on rentre en pénurie, ça nous pousse à la collaboration. Et c'est quelque chose de très spontané que l'on retrouve aussi bien chez les plantes, ça a été très très bien montré, quand on appauvrit un écosystème végétal, les coopérations augmentent parce qu'il faut faire la même chose avec moins, donc on collabore, on échange, on partage d'une certaine façon, mais on retrouve ça aussi chez les humains. Ça a été montré par les sociologues, c'est qu'en cas de coup dur, alors que les films d'Hollywood nous montrent le contraire, nous montrent des foules hurlantes et se marchant dessus avec du chacun pour soi, les vrais comportements émergents sont des comportements de solidarité. On a retrouvé ça le 11 septembre, on a retrouvé ça pour Katrina, on retrouve ça dans les grands tremblements de terre, et j'ai même envie de dire, on l'a retrouvé aussi au Bataclan il y a quelques jours, quand on a vu que quand 3 fous sèment la mort, ça n'a pas été du chacun pour soi. Il y a plein de gens qui se sont sauvés les uns les autres alors qu'ils ne se connaissaient même pas. C'est un comportement émergent, très puissant, et à nous de le choisir maintenant. À nous de se dire, quand on aura des pénuries qui seront des phénomènes par contre beaucoup plus longs, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, on aura le choix entre faire du chacun pour soi ou faire de la collaboration. Et on le voit dans les mouvements de transition à l'heure actuelle, on peut choisir la collaboration. C'est vraiment, ça c'est quelque chose sans doute de plus spécifiquement humain, même si ça n'est sans doute pas qu'humain, c'est cette capacité de choix, et nous pouvons choisir la coopération. Message de vie, donné à comprendre. Elle a toujours existé en temps de crise, mais une fois que la crise est passée, on retourne dans l'individualisme. Est-ce qu'on ne tombe pas en rond, finalement? Comment on peut... je ne sais pas, je ne suis pas pessimiste, mais c'est une logique que quand on sort de toute crise, on retrouve ses habitudes. Oui, effectivement. Alors peut-être. La nature n'est jamais en crise, elle se remet toujours. Ouais, mais je vais peut-être être un peu provocant, mais peut-être que du coup, je vais faire appel à quelqu'un d'autre qui est un ami de Jean-Marie Pelt, à Pierre Rabhi, qu'on connaît tous bien. Pierre Rabhi qui parle de sobriété heureuse, peut-être que de se maintenir en état justement non pas d'être tout le temps dans la surabondance, mais d'être quelque chose d'un peu moins abondant que la surabondance, ben ça nous permet de rester aussi dans ce goûter la coopération. C'est que, voilà, faire par exemple de la permaculture, on le sait bien, donc une agriculture qui est une agriculture justement beaucoup plus vivante, mais qui demande aussi... à la limite plus de travail humain que ce que demande une agriculture sur tracteur avec du carburant dans le réservoir, ça demande aussi beaucoup plus de collaboration, ça demande beaucoup plus d'échanges, ça demande beaucoup plus de dialogue, aussi bien de dialogue entre les humains et toutes les espèces avec lesquelles ils vont rentrer en collaboration que entre humains. Donc c'est peut-être ça l'astuce, c'est d'en vouloir un petit peu moins de biens matériels, un petit peu moins de téléphones portables et un petit peu moins de voyages en Thaïlande, pour regoûter le vivant en nous et autour de nous. J'ai toujours envie de bien donner les deux et voilà, et de se rendre compte. Bon, je vais peut-être faire un peu boy scout en disant ça, mais c'est pas grave, je vais assumer. C'est que une soirée à discuter autour d'un feu dans la forêt, ça, moi personnellement, ça me nourrit au moins autant qu'une soirée au cinéma, et je ne vais pas les opposer. Je crois qu'on peut passer de l'une à l'autre, mais si on se fait un peu plus de soirées au coin du feu et un peu moins de soirées au cinéma sur un an, on va aussi soi-même participer à économiser un petit peu nos ressources. Tu as écrit, je crois, pour l'intelligence collective. Tu as participé, oui, au livre. Hein. J'ai fait. Les amis ont écouté. Les auditeurs ont écouté l'émission avec Marine Simon et Emmanuel. C'est intéressant, hein, comme processus de mettre la nature au service de l'homme. Hein. Finalement, elle a toujours été là, la nature au service de l'homme. Moi, je pense que si on a encore cette croyance que la nature est un vivier inépuisable, c'est parce que tant qu'on était dans des modes de vie, et c'est l'essentiel de l'histoire de l'humanité, ça fonctionnait comme ça, où on ne s'appuyait que sur des matériaux issus du vivant, donc qui étaient parfaitement compatibles, qui pouvaient retourner dans le vivant après, effectivement, on pouvait considérer ça comme un vivier inépuisable. Alors peut-être pas inépuisable en termes de quantité, mais en tout cas en termes de qualité. Et donc tant qu'on était à des niveaux de population raisonnables, qui prélevaient peu, qui prélevaient au quotidien ce dont elles avaient besoin et qui n'avaient pas besoin de stocker avec cette peur maintenant, cette peur du manque qui est rentrée dans nos sociétés, sans doute dans le sillage d'ailleurs de l'agriculture et des inégalités sociales qui sont rentrées dans cette caste dominante qui était au-dessus des agriculteurs. Bon, eh bien, on pouvait se permettre. On voit très bien ça avec certains peuples premiers qui vivaient et qui pouvaient tout jeter autour de chez eux parce que c'était toujours du recyclable et du biodégradable, et qui maintenant qu'ils achètent des objets métalliques et plastiques, continuent le geste parce qu'ils n'ont pas vraiment encore réalisé, et on voit le résultat que ça donne. Mais donc voilà, c'est un petit peu ça la réponse, et on en revient une fois de plus d'ailleurs à un principe du vivant, c'est que tant qu'on emploie du biodégradable ou tant qu'on emploie des matériaux non biodégradables mais qu'on transforme peu, c'est-à-dire des cailloux pour faire sa maison ou des argiles ou de la terre crue comme on l'a fait extrêmement longtemps pour nos habitations, de la terre crue, si on ne modifie pas sa structure chimique, et en gros on ne la modifie pas, c'est le jour où on abandonne sa maison, elle va fondre doucement avec les précipitations sur éventuellement des centaines d'années, ça peut prendre un certain temps, mais on n'a pas touché, on ne s'est pas immiscé dans les mécanismes fondamentaux du vivant et de sa circularité. Par contre, une fois qu'on commence à concevoir des produits chimiques qui, eux, ne sont pas biodégradables, et quand je dis produits, là on pense tout de suite produits chimiques pesticides et compagnie, mais c'est aussi des matériaux. Quand on fait des céramiques ou du verre ou des métaux à grande échelle, ce sont aussi des matériaux qui vont avoir du mal à réintégrer le cycle, qui sont pas nécessairement toxiques, mais qui vont avoir du mal à réintégrer le cycle. Et tout est là de nouveau une question de rythme, et tout est une question d'équilibre, c'est sans compter que ces matériaux, en plus, ces grands matériaux que je viens de citer, ont besoin d'énormes quantités d'énergie pour être fabriqués. C'est surtout en fait ça le problème. Avoir un bout de verre au fond de l'océan, en soi, c'est pas très grave. Par contre, la quantité d'énergie qu'il faut pour produire du verre, quand on en fait à l'échelle où on en fait maintenant, c'est là que ça devient problématique. Donc voilà, on a toujours cette question à se poser, c'est que quand on n'aura plus accès à ces énergies, il va falloir revenir vers ces matériaux simples. Et là, moi, je sors d'une discussion il y a quelques jours avec une petite boîte en Belgique qui fait du pailleterre en termes de matériaux de construction et qui soulignait tous les avantages. Donc en gros, ce sont que des matériaux qu'on transforme à peine. La paille, en l'occurrence, ça stocke du carbone. C'est bien un des rares matériaux de construction qui stocke du carbone au lieu d'en dégager pour être produit et qui a toutes sortes de propriétés intéressantes, même en termes de propriétés thermiques, propriétés anti-feu. Ça paraît bizarre à dire, mais un ballot de paille compressé, recouvert d'enduit d'argile, ça brûle pas si vite que ça, donc ça vous laisse le temps de sortir et ça dégage pas de fumée toxique au moment où ça brûle. Et puis, surtout, c'est compatible avec le vivant. Et ça ne demande pas non plus d'aller chercher les matériaux à des centaines ou à des milliers de kilomètres. Donc ça a toutes sortes d'avantages et c'est presque du... C'est retravailler, je dirais, avec toutes nos connaissances scientifiques. Et ça, c'est une autre idée forte du biomimétisme. C'est qu'en fait, on s'appuie à la fois sur le savoir des vivants, qui lui est vieux jusqu'à 3,8 milliards d'années dans le cas des bactéries, et en même temps, on y rajoute nos connaissances scientifiques. Et c'est en alliant les deux qu'on peut arriver à des solutions qui nous remettent en compatibilité avec le vivant. Ça veut dire que on parle de recyclage, le verre, le papier, les déchets. Est-ce qu'on recycle vraiment ? Est-ce que c'est utile ce recyclage ? Quel est le terme recyclage dont on parle ? C'est déjà un bon début. On fait quoi avec ça ? C'est un bon début. C'est de toute façon un bon début. C'est de toute façon d'abord un bon début culturel. C'est de nous remettre face à ça. Jusqu'à présent, on ne s'occupait pas trop de ce qui se passait après, dans la vie de nos objets. Donc ça, c'est de toute façon un bon début. Quand on veut pousser plus loin, j'en reviens à ce que je disais à l'instant, c'est qu'il faudra aller toujours le plus possible vers du biodégradable. Dans le cas du verre et des métaux, ce qui est sûr, c'est que c'est moins cher en énergie de refaire du verre à partir du verre que de recommencer tout le cycle en allant chercher du sable, en le fondant, etc. Donc ça reste utile. La question, moi, que je me pose sur le futur, c'est que pour l'instant, le verre, même quand on le recycle, ça continue à utiliser des quantités importantes d'énergie. Mais bon, il faut bien voir, on a fait du verre, il y avait du verre dans les cathédrales à une époque où on arrivait encore à exploiter la forêt charbon de bois vert de façon plus ou moins durable. Il faut quand même voir que c'est cette période du Moyen-Âge, juste avant la Grande Peste qui a recalmé le jeu d'ailleurs en éliminant une partie de la population européenne, mais qu'on a commencé à se rendre compte qu'en utilisant justement le bois pour faire du charbon de bois, pour des utilisations, le verre d'un côté et un peu de métal de l'autre, on commençait déjà à tirer sur la ressource forestière et ça devenait limite. Et donc ça pour moi, c'est, en revenant à ces travaux-là, c'est quand même un sérieux avertissement, parce qu'à l'époque en France, il y avait 20 millions de Français, il n'y en avait pas 60 millions, et ils consommaient beaucoup moins de métal par habitant. Donc si on veut se brancher uniquement sur le solaire, donc bois, solaire, bois, charbon de bois, métaux, verre, on va devoir se contenter de quantités beaucoup plus limitées. Mais donc, je précise bien, ça ne veut pas dire qu'il faut en sortir totalement, mais on va devoir être beaucoup moins gourmand dans ces substances-là. Et ça, c'est pour le futur. Ça paraît un petit peu passéiste de dire ça, mais honnêtement, une fois qu'on va sortir des combustibles fossiles, alors après on rêve à la fission nucléaire il faut bien voir que la fission nucléaire s'appuie elle-même sur l'uranium, qui est une substance dont on n'a pas des quantités infinies, loin de là. Quant à la fusion nucléaire, ça pour moi, là, c'est un risque considérable. D'abord, il faut savoir que ça produit quand même des déchets radioactifs, non pas à l'intérieur, mais sur toute l'enveloppe qui doit les protéger. Et puis là, pour moi, on rentre dans une espèce de croyance que si on avait une énergie surabondante, ça ne règle pas le problème qu'il faut les matériaux encore. Et là, on tombe sur d'autres crises qui sont les... on aura bientôt plus de fer, plus de cuivre, plus de tous ces métaux dont on a besoin. Et plus on a de l'énergie à n'en savoir que faire, plus on risque d'être complètement gaspilleur au niveau des matériaux. Et donc, surtout en 200 ans, on a tout ponctionné, alors que quand je parlais du recyclage, on parlait des déchets radioactifs, il faut je ne sais pas combien de millions d'années pour éliminer tout ça, c'est qu'on prend, et quand on recycle, on ne laisse pas le temps au cycle de se refaire, on ne tient pas compte des systèmes biologiques de la nature. Tout à fait, on n'arrête pas de surexploiter. Il faut attendre. Ben oui, oui, il faudra attendre, il faudrait laisser cette circularité refaire son boulot, mais il faut voir que dans certains cas, enfin, je vais essayer de me rappeler du chiffre, mais je sais que le chiffre pour le pétrole, c'est que chaque jour, on utilise 27 années de production, enfin, de formation de pétrole. Donc ça donne une idée de la division. Pour que le pétrole puisse être considéré comme une substance renouvelable, il faudrait qu'on l'utilise. Donc, que chaque jour, on utilise un jour de formation. Et nous, chaque jour, on utilise 27 ans de formation. Donc, les proportions sont juste gigantesques. Donc, ça donne une idée. Effectivement, les poissons, c'est la même chose. Ça a été cité tout à l'heure. Il fut un temps où... Enfin, je vais le dire autrement. Il fut un temps où, en Méditerranée, on pouvait pêcher. Et quand je vous dis « il fut un temps », ça remonte à 2000 ans. Du temps de Carthage. Autour de Carthage, on pêchait des poissons en laissant traîner des planches avec des clous dirigés vers l'avant, tellement les bancs de poissons étaient compacts. On a tellement maintenant puisé dans la ressource et chaque génération de pêcheurs ne sait pas ce que la génération précédente avait comme abondance. Donc elle part chaque fois dans sa culture, dans son histoire, de ce qu'elle a à disposition et puis elle dit « ah ben oui, ça s'amenuise », sauf que ça s'est déjà amenuisé la génération d'avant et encore la génération d'avant et encore la génération d'avant. Et on a complètement surexploité la ressource poisson et dans le même temps, on remplit l'océan de plastique. C'est un chiffre, moi, qui m'habite, qui me hante. Il y a des calculs récents disent que si on continue la tendance plastique, et il n'y a pas de raison qu'on ne la continue pas, ça se passe essentiellement en Asie pour l'instant, on dit que dans 20 ans, il y aura autant de plastique en poids dans la mer que de poissons. Et ça sont des chiffres vraiment effrayants. En plus, le plastique, ça ne sert à rien dans la mer. Ah non, alors ça ne sert à rien. Alors en même temps, ça c'est intéressant aussi, et là ça nous remet... peut-être ça nous amène à une question qui pour moi est cruciale, c'est que souvent par rapport aux questions environnementales, on nous parle de sauver la planète, et moi cette expression me donne des boutons. La planète n'a pas besoin de nous pour se sauver. Ceux qui ont besoin d'être sauvés, c'est les humains, et en particulier c'est même notre mode de vie qui est menacé. Même les humains, moi je dis toujours de 7 milliards à zéro, il y a quand même une fameuse marge, même si on perdait, et je ne le souhaite évidemment pas de façon brutale, 90% de la population, il restera encore 700 millions d'humains, hein, combien de France on peut mettre dans 700 millions d'humains? Non, la question, c'est vraiment nos équilibres à nous. Et donc, je reviens maintenant à mes plastiques dans l'océan. Le plastique, c'est une molécule carbonée qui est produite à partir du pétrole. Pour l'instant, elle n'a pas été prévue dans l'histoire, donc il n'y a pas grand monde qui s'en nourrit. Mais quand on regarde maintenant le fameux continent de plastique là, qui est dans le centre de tous les océans, on parle souvent de celui du Pacifique, mais c'est dans tous les océans, on se rend compte que certains plastiques, puisqu'en plus il y a plein de types de plastiques, commencent à être digérés par certaines bactéries. Donc il y a des bactéries, les bactéries sont partout, et les bactéries, dès qu'on leur met un truc nouveau sous la dent, enfin pas sous la dent dans le cas des bactéries, il y en a toujours des petites malines pour muter, pour trouver un moyen de l'utiliser. Je cite un autre exemple qui est vraiment génial, mais qui ne va pas résoudre notre problème du plastique, toujours pour des questions de temps, mais qui montre que la planète, pas de problème, elle va se gérer. Il y a des chercheurs chinois qui ont montré il n'y a pas longtemps que certaines bactéries vivant dans l'estomac de larves de scarabée, donc malheureusement pas dans les océans, étaient capables de digérer le polystyrène, donc la frigolite, et peuvent en faire leur nourriture, littéralement. Alors, bonne nouvelle, sauf que les larves de scarabée, elles ne sont pas dans les océans, et que ça ne nous dispense pas d'arrêter de produire de la frigolite, parce que avant que ce message bactérien se répande dans tout le monde bactérien pour en faire un taux de recyclage suffisant, il faudra des centaines d'années. Et pendant ces centaines d'années, ces petits morceaux de frigolite vont continuer à se retrouver dans l'estomac de tous les animaux qui peuplent les mers, depuis les poissons jusqu'aux tout petits crustacés qui servent de nourriture aux poissons, et qui sont en plus des molécules sur lesquelles se fixent des produits chimiques classiques auxquels on pense, toxiques du type PCB, DDT, etc., et qui se retrouvent du coup dans notre alimentation. Donc tout est une question de rythme. Les bactéries vont résoudre ça pour la planète dans les siècles et millénaires à venir, mais est-ce que nous, on aura passé le cap entre-temps? Ça, c'est mon inquiétude. Message de vie. Donner à comprendre. T'as besoin d'oseille, tu cours toujours à court de jus, c'est la surchauffe, tu perds du poids, tu passes ton tour, faut qu'il dégraisse, faut que tu débauches, va faire un crédit, c'est TLM. Pour te payer la nouvelle BM, sors ton costume, faut que tu consommes. Si t'as pas de thune, t'es pas un homme. Faut que t'assures, faut que tu dépenses. Essaie de sauver les apparences. Va faire un crédit Cofidis pour payer les Nike à ton fils. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, faut que ça prenne, faut que ça tienne, faut pas que ça traîne. Les temps modernes. C'est l'engrenage, t'es pris dedans, tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans, ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible, ça va trop vite pour tes guiboles. T'es pris au coup, t'es pris pour cible, on te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez Bébert, te saouler à la Jupiler. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, faut que ça prenne, faut que ça tienne, faut pas que ça traîne. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, passe la main gauche à la prochaine. De ces fameux 2 degrés à respecter avec, pour le futur COP21. Au moment où on va entendre cette émission, la COP21 sera déjà passée, mais de toute façon... Il y aura une COP22 et une COP51, oui. Enfin, j'espère d'ailleurs. Pour moi, c'est une question énorme. C'est même la question des changements climatiques, c'est même ce qui m'a amené personnellement au biomimétisme. L'inquiétude face au changement climatique et qui demandait des solutions un petit peu plus radicales que ce qu'on nous proposait à l'époque, le biomimétisme m'en semblait une. C'en est une, je pense, sur le long terme, avec le problème qu'il y a des obstacles économiques pour le biomimétisme comme pour le reste. Mais pour en revenir aux 2 degrés, moi j'ai travaillé suffisamment avec des climatologues pour savoir que même 2 degrés, c'est inquiétant. On sait que 2 degrés, d'ailleurs, suffisent à faire fondre à long terme, heureusement il y a une inertie, complètement les calottes polaires. Hein, avec une température moyenne plus haute de 2 degrés, il n'y aura plus de glace sur Terre dans les 1000 ans à venir. La grande question, une fois de plus, qui se pose, c'est le rythme de fonte. Mais donc, ça veut dire aussi que le niveau des mers va monter à terme dans les siècles à venir de 70 mètres. Il y a 70 mètres qui sont stockés, 70 mètres de niveau de mer qui sont stockés dans les calottes glaciaires, en particulier la calotte antarctique, qui est d'ailleurs l'endroit où j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Voilà, ça c'est pour dans les millénaires à venir. Pour ce siècle-ci, on sait que si on accélère encore, et on est parti pour accélérer, soyons clairs, moi franchement, les 2 degrés, je suis à peu près certain qu'on va les exploser, parce que c'est un chiffre que je cite souvent, le processus de Kyoto pour baisser les émissions qui a commencé il y a 25 ans, c'était pour baisser les émissions, depuis elles ont augmenté de 60%, donc ça veut quand même dire que l'efficacité politique, je vois pas pourquoi il y aura un miracle à la COP21, j'y crois pas trop. Toujours pour revenir à ces 2 degrés, il y a un chiffre qui circule maintenant depuis 2 ou 3 ans et qui enfin est arrivé au niveau politique, qui nous rappelle que si on veut se maintenir à ces 2 degrés, 80% du charbon, du gaz et du pétrole qui a été découvert mais pas encore exploité doit rester dans le sol. 80%, c'est énorme. Et ça pose une autre question qui, une fois de plus, est une question économique, et c'est là que sont les freins les plus importants. C'est que si on doit déclarer maintenant que 80% de ces réserves vont rester dans les sols, ça veut dire que les valeurs boursières de toutes les grandes compagnies pétrolières et de charbon s'écroulent. Et si leurs valeurs boursières s'écroulent, on a d'autres jeux de dominos qui se mettent en route et qui menace vraiment les équilibres, l'équilibre de notre civilisation telle qu'il tourne actuellement avec la mondialisation, et ce serait vraiment pas simple à gérer. Ceci dit, le vivant fait avec les crises, que ce soit à l'échelle de nos cellules, à l'échelle de notre corps, et d'ailleurs la mort, ce n'est jamais qu'une crise terminale, mais qui n'empêche pas la perpétuation du vivant. Hein, moi, j'ai un collègue physicien, il n'y a pas longtemps, qui me rappelait que le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, c'est la naissance, que mort et naissance font partie du cycle de vie, et c'est une distinction vraiment, vraiment intéressante. Et donc, moi, je pense que notre civilisation est un organisme comme les autres. Il va, à un moment donné, muter plus ou moins brutalement. Et le tout est que nous préparions cette mutation. Et une des mutations va être certainement la sortie des combustibles fossiles. Ça va être une mutation majeure parce que nous sommes devenus, en 150 ans, complètement drogués en combustibles fossiles. On en a besoin dans tous nos gestes du quotidien, dans tous nos objets du quotidien. Le jour où on va en sortir, soit par choix politique, COP21, soit simplement parce qu'il n'y en aura plus, et honnêtement, ça nous attend, hein. Si ça ne nous attend pas nous, ça attend à quelques générations, on va y arriver, surtout si on continue cette espèce de gabégie dans laquelle nous sommes inscrits à l'heure actuelle, cette rupture, aussi rupture soit-elle, ne va pas être la fin de la vie et ne va probablement pas être la fin non plus de l'espèce humaine. Moi je suis assez confiant là-dessus. Et là, le vivant est autour de nous, le vivant nous porte, la force du vivant nous porte autour de nous et en nous pour nous aider à passer ce cap. Difficile de revenir en arrière après avoir eu cette abondance. C'est comme si tu demandais à un riche de devenir plus pauvre, alors que c'est plus facile pour un pauvre de devenir plus riche. Un Africain m'avait dit ça un jour, c'est pas pour, n'oublie pas. Non. Il m'avait dit ça, il m'a dit: Richard, on peut pas rester à l'état de la pierre, et pourtant, parce qu'ils perdent leur tradition dans les villages, on peut pas bloquer le progrès, t'es obligé d'aller de l'avant. En Inde, ils disent, mais nous, vous dites, vous êtes en surabondance, mais nous, on ne connaît pas cette surabondance, on voudrait la goûter. Non, mais tout à fait, mais alors là, c'est sûr, là, il y a la question de l'équité nord-sud, et elle vient sur le climat, c'est clair. Moi, je dis toujours, tant que notre taux d'émission par habitant est plus élevé que les Indiens ou les Chinois, on n'a pas grand-chose à leur dire, franchement. Et pour parler des Chinois, on sait que le taux des Chinois est en train de monter. Il ne faut pas oublier, on ne le dit pas assez, mais quand on dit que l'Europe a baissé ses émissions, il faut savoir que l'Europe a baissé ses émissions parce qu'elle a été les mettre en Chine. Hein, on sait maintenant le nombre d'objets, et ça a été quantifié, ça, hein, c'est pas juste une formule. Ça a été quantifié, et on a montré, par exemple, l'Angleterre est censée avoir baissé, je crois, dans ses 20 dernières années, baissé ses émissions de 15%, et en fait, elle les a augmentées de 20%, simplement les a mises en Chine. Donc ça c'est une question, c'est quelque chose sur lequel il faut être très clair. Tant que nous on baisse pas nos émissions, arrêtons d'aller faire la leçon aux autres, ça je suis complètement d'accord. Par ailleurs, il n'empêche que globalement, tous ensemble, on va devoir baisser nos émissions, mais c'est sûr que le potentiel de baisse d'émissions le plus important, il est chez nous, il est dans les pays riches, puisque c'est nous qui émettons le plus par habitant. Maintenant, pour revenir à la question de est-ce que c'est pas difficile quand on est riche de redevenir pauvre? Là, pour moi, il y a du coup aussi tout une interrogation. Je vais le laisser à ce stade à l'interrogation que nous devons nous faire. Je reviens à mon feu de bois. Nous, on donne régulièrement avec d'autres amis des ateliers de travail qui relient, du travail de reliance à soi, aux autres et à toutes les autres espèces. Et on le fait toujours en nature. Et souvent, pendant ces 4 jours ou ces 7 jours, on a différents formats, on vit de façon très simple, dehors. On vit beaucoup plus dehors, on vit beaucoup plus lentement, on vit beaucoup plus décalé de tous nos écrans et de toute notre électronique. Et souvent, pendant ces jours, on se dit mais qu'est-ce qu'on vit mieux, quoi ? Donc là, c'est une autre richesse. On oublie ça, c'est qu'on s'est effectivement tellement habitué à la richesse matérielle et à le considérer comme la richesse, mais c'est aussi parce qu'on nous le répète à longueur de journée qu'on a fini par le croire. Et souvent, quand on va vers ce mode de vie plus censé être plus simple et qui est censé être un recul, mais moi de plus en plus quand je l'expérimente, je ne le vis plus comme un recul. Et à ce moment-là, ça permet de regarder ce changement de cap complètement différemment, de ne pas le voir. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va perdre. Moi je dis toujours, je plaisante avec ça, on est tout un groupe d'amis à travailler sur ce qu'on appelle le post-pétrole et sur cette fameuse transition qu'on retrouve dans le mouvement des villes en transition. D'ailleurs, certains de ces amis font partie du mouvement des villes en transition. Moi je dis toujours que ce qui va me manquer le plus avec le post-pétrole, c'est le chocolat. On ne pourra pas manger autant de chocolat parce que le chocolat il vient de loin, il a besoin lui-même aussi de toute une chaîne de production pour arriver. Et comme je suis un très gourmand de chocolat, je suis belge en plus, ça va être un plaisir, ça va être difficile d'y avoir moins accès. Mais en même temps, il y a tout le reste. Et moi, je sais, alors justement, comme naturaliste, je le sais, c'est que vivre beaucoup plus dehors, avec des amis, c'est une énorme richesse qui en remplace bien d'autres. Pire, tu iras à pied chercher le chocolat en Côte d'Ivoire. Oui, en bateau à voile, oui, bien sûr. Ça me fera des beaux voyages. Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent pour concrètement, on pourrait dire aller faire une retraite, aller faire des balades en forêt, faire un jardin collectif. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme tuyau pour tout ce qu'on vient de... par quoi commencer ? Ben moi, j'ai quand même encore envie de ramener effectivement l'alimentation et donc le rapport au jardin. C'est vraiment une façon de reprendre contact complètement. Et puis, c'est ce lien direct, c'est le lien le plus direct que nous avons avec le vivant tous les jours. Tous les jours, nous devons manger et c'est vraiment une façon de conscientiser. Alors, j'ai envie d'en rajouter un second qui est plus récent dans ma vie. C'est donc, on parlait de se balader à l'extérieur, mais le faire même pieds nus. C'est incroyable. Enfin, moi, plus j'avance et plus je me rends compte à quel point dans notre société, dans notre civilisation, on s'est tout le temps mis et inventé des mécanismes pour nous couper du vivant. Et même les chaussures en sont encore un. Les couverts en sont un. Manger avec des couverts, c'est franchement, je ne dis pas qu'il faut toujours manger avec ses doigts, mais quand on mange avec ses doigts, on rétablit encore un contact. Et ça, si j'avais envie d'en parler des pieds nus, c'est parce que aussi, c'est vraiment pour nous mettre en cohérence. C'est pas seulement écouter le vivant à l'extérieur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment faire le lien entre notre vivant intérieur et le vivant qui est à l'extérieur et sentir ce flux permanent et sentir justement que notre soi ne s'arrête pas à notre peau. Notre soi, ça a été dit par un des conférenciers aujourd'hui, les atomes qui sont dans ma jambe hier, ils n'y étaient pas aujourd'hui, ils n'y étaient pas hier, ils n'y seront pas demain. Et ça, c'est notre flux permanent. Et donc effectivement, veiller sur la santé de la planète, c'est vraiment veiller sur notre santé à nous, par définition. Merci Gauthier, avec plaisir. Gauthier Chapelle et le biomimétisme, une source inépuisable de connaissances, avec son livre « Le vivant comme modèle », préfacé par Nicolas Hulot et Jean-Marie Pelt. Pour notre part, je vous propose de tous nous imiter et de nous retrouver la semaine prochaine. Pour écouter ces émissions, richardfederman.com ou sur les radios locales. Hasta luego, ciao.